Exercice 5, page 156. A. J'ai acheté des chapeaux. B. J'ai acheté des chemises. C. J'ai acheté des ceintures. D. J'ai acheté des sandales. E. J'ai acheté des chaussures. F. J'ai acheté des chaussons.